Chapitre 10. L'eau coule et le temps s'enfuit. Les appréhensions du duc de Palerme ne se sont que trop réalisées. Au milieu des sacrifices expiatoires, de chants et des danses, l'aéronef a été solennellement pillé et mis en pièces. Il y a même eu une aggravation sur laquelle on ne comptait pas. Les naufragés de l'air n'ont pas été autorisés à se rendre jusqu'à l'appareil. Le plus mince objet n'a pas été sauvé. D'ailleurs, ils ne s'y trompent pas. Des sentiments hostiles commencent à se manifester contre eux. Rien de bien précis encore, mais à certains coups d'œil qu'on leur lance, à certaines phrases qu'on murmure sur leur passage, ils sentent que leur sécurité n'est plus complète. Ils éprouvent une véritable angoisse, car ils sont désarmés et impuissants au milieu de ce peuple si loin d'eux par les croyances, les mœurs, les coutumes et les sentiments. Il y a encore autre chose. À la réflexion, Pierre Fonrami estime que, d'un moment à l'autre, le volcan peut se réveiller de son assoupissement et faire subir à la vallée le sort d'Herculanum et de Pompéi, et aucun moyen de fuir. D'ailleurs, le Sénat ne permettrait nulle fuite. Les oracles sont formels. Et ce soir-là, Ferrato ajoute « À quoi bon nous préoccuper des décisions du Sénat, puisqu'il n'y a nul moyen de communiquer avec le monde extérieur ?»« Vous vous trompez, il en existe certainement un. » C'est le prince qui a parlé ainsi et tout le monde le regarde. « Oui, messieurs, oui, voilà plusieurs jours que je fais des remarques assez singulières et il est temps de vous les communiquer. Je puis dire sans fausse modestie que j'ai quelques compétences en archéologie. En particulier, je me suis beaucoup occupé de meubles anciens de tous âges et de toute civilisation. Or, j'ai remarqué que dans la maison de notre hôte, et dans d'autres encore, appartenant aux principaux de la cité, il se trouve divers objets mobiliers, généralement d'un grand prix, tels que tables et sièges précieux, vases et armes, qui appartiennent aux civilisations modernes de l'Hindoustan. Depuis quelques jours, je n'avais plus aucun doute. Mais aujourd'hui, en examinant des vases et un cimetière, je suis arrivé à une conclusion irréfutable, à savoir qu'ils ont été fabriqués dans la province de Cachemire, vers le milieu du XVIIe siècle. Ces objets ne sont pas venus ici tout seuls. Il faut donc admettre que voilà deux siècles, les habitants de la vallée communiquaient avec l'Hindoustan. Soit qu'il y eut un trafic régulier, soit, ce qui est plus probable, que des soldats partissent d'ici pour aller rasier du butin qu'ils ramenaient dans ce repère inaccessible. Pas un mot sur tout ceci, mais que chacun de nous cherche, ouvre ses yeux et ses oreilles, et nous finirons bien par trouver quelque chose. Peut-être parviendrons-nous à gagner quelques esclaves. En ce cas, je n'ai pas besoin d'en dire plus long. » Depuis les révélations du prince, Pierre Fonrami ne désespérait pas de savoir quelque chose des relations que les Achéléens pouvaient avoir eues autrefois, et peut-être avaient encore, avec le reste du monde. La destruction de la rondine ayant satisfait les fanatiques du peuple, une certaine tolérance enveloppait les voyageurs, et lui-même en profitait pour fréquenter la société mondaine de la ville. Au cours de ses visites et de ses entretiens, il tâchait de respecter scrupuleusement les règles de la politesse. Chose malaisée car, avec le temps, et comme il sied dans une société raffinée, vivant en vase clos, ses règles étaient devenues minutieuses et parfois assujettissantes. Il était parfois reçu chez Lisatzia, dont le mari lui témoignait de la sympathie. C'était une fort jolie femme qui cherchait à soutenir sa réputation par l'élégance et la parure. Ce soir-là, allant lui faire visite, il la trouva portant une robe blanche. Ses cheveux noirs parfumés d'essence tombaient à grosses boucles sur ses épaules. Des bijoux d'or étincelaient à ses oreilles. Des perles ornaient son cou et ses bras. À ses doigts scintillaient des pierres précieuses. Il s'assit auprès d'elle, la loua sur son visage et son ajustement, après quoi, tandis que les esclaves leur versaient une boisson rafraîchissante dans des coupes d'argent, il apprit ce qu'ils voulaient savoir, c'est-à-dire que leur présence faisait toujours murmurer le peuple. Cette réunion mondaine conduisit encore Fonrami à d'autres observations. Les bijoux que portaient les femmes qui l'entouraient étaient tous, les camées surtout, taillés avec un art infini, avec une précision telle dans le détail qu'il eut fantaisie d'examiner de plus près une des bagues que portait une des jeunes femmes. Il alla quérir une lentille que possédait le docteur et reconnut qu'un travail aussi délicat et qui ne se révélait qu'à la loupe n'avait pu être probablement exécuté qu'à l'aide d'un verre grossissant. Cela lui donna à penser. Son esprit excité lui fit observer encore que leur hôtesse et ses belles amies portaient des perles d'un fort bel orient. Il lui parut curieux que des temps aussi heureux pussent subsister après tant de siècles, et encore que l'armée gréco-romaine de Julien possédât une telle abondance de bijoux. Il s'en ouvrit le lendemain au duc de Palerme, qui sourit et fit observer à Fonrami que cela cadrait pleinement avec ses propres remarques. Fonrami n'était pas frivole, mais outre que cette vie mondaine ne lui déplaisait pas, car il y trouvait une excitation intellectuelle, elle lui permettait de voir Archéia, et le reste lui importait peu. La présence de la jeune fille lui était devenue maintenant indispensable. En s'examinant avec soin, il connaissait qu'il l'aimait avec toute la fougue et la ferveur d'une première passion. Il avait compris que, malgré son admirable équilibre, la jeune fille n'était pas complètement heureuse. Il aimait à penser qu'il était dans sa destinée de lui donner cette petite part de bonheur que, parfois, on rencontre ici-bas. Archéia l'accueillait avec une joie croissante. Elle goûtait qu'il fût loyal et saint. Bien qu'elle jugeât un simple barbare, quelque chose lui disait que ce jeune homme possédait des dons spéciaux et peut-être supérieurs, refusés à elle et aux siens par les immortels. Les deux jeunes gens vont ainsi côte à côte, et cependant autour d'eux, les nuages courent dans le ciel, l'eau s'enfuit, l'air vibre et la lumière resplendit. La duchesse de Palerme a de longs entretiens avec Fonrami. Peut-être se demande-t-elle si son jeune ami ne cessera pas d'aimer dès qu'il arrivera au seuil des résolutions irrévocables. À ce moment, ne s'effraiera-t-il pas que cet amour risque, en se prolongeant, de compliquer par trop sa vie et d'être autre chose qu'un passe-temps charmant, une expérience imprévue. Comme elle parle abondamment et que lui l'écoute avec une déférence respectueuse, de longues heures passent. Elle lui montre les dangers d'un tel amour. Où le conduira-t-il? Peut-il épouser Archéia? Et à supposer qu'il le puisse, consentira-t-il à vivre avec elle dans cette vallée, à remonter le cours des âges pour devenir un homme du IVe siècle? Et s'ils peuvent s'enfuir, Archéia voudra-t-elle le suivre? En ce cas, quelle figure fera-t-elle dans la société moderne? Il baisse la tête, ne répond pas, et l'amour ne parle pas moins haut dans son cœur. Il est des journées tendres et accueillantes, si douces et si compatissantes à l'âme qu'on voudrait empêcher le sablier de couler et suspendre le vol des heures. Dans cet apaisement, mille sentiments qu'il n'a jamais connus assaillent Pierre Fonrami. Cependant, si son cœur se gonfle d'air pur, si son âme se grise de lumière, si de tout son être il veut maintenant aimer et non plus agir, une force invincible et mystérieuse l'enchaîne encore à ses anciennes passions. Il a vécu trop solitaire pendant ses jeunes années pour qu'il en soit autrement. La solitude est l'épreuve suprême de la vassalité ou de la souveraineté de l'âme. Comme il se sent une âme puissante, il ne veut point se reconnaître vaincu. Mais, en face de cette jeune fille, à la fois délicate et forte, douce et tenace, patiente et volontaire, et dont le cœur est empli de la force indomptable et royale de l'Antiquité classique, il sent une émotion vraiment religieuse l'envahir. C'est comme une prière qui s'élève du fond de son cœur, une prière nouvelle et où, cependant, s'exprime une religion qui fut de tous les passés et qui sera de tous les avenirs, universelle et élémentaire, la religion de l'invincible amour. Chapitre 11. Le calme et sévère automne étendait ses grâces finissantes sur les prairies et les bois. Les débuts des nuits étaient encore assez doux. Les voyageurs, ce soir-là, réunis sous la pergola, causaient avec abandon. Des lampes à trois becs tombaient une lumière rosée. Le docteur exposait copieusement et avec fougue, à son ordinaire, où en étaient ses projets de communication par télégraphie sans fil. Ce qu'il avait réalisé, ce qui lui manquait encore. Le duc de Palerme et Luigi Ferrato dirent leurs mots. Après quoi Pierre Fonrami prit la parole pour exposer qu'on pouvait fort bien fabriquer les instruments nécessaires. Puis il se tut, et on n'entendit plus que les minces craquements des mèches qui se carbonisaient dans l'huile. Encore une soirée sereine, dit Ferrato, rompant le silence. Sereine et enjôleuse, répondit Fonrami, mais ça manque de tzigane. La princesse haussa les sourcils. Dans le fond, vous n'êtes qu'un mondain. Altesse, quoi, mondain? Parce qu'après cet excellent dîner, où on nous servit un gigot de chevreau succulent et un vin qu'il faudrait boire à genoux et dans des verres de diamant, je regrette qu'un orchestre tzigane ne nous joue pas des valses viennoises. Elles sont fades. Les viennoises le sont aussi. Cependant, elles ne manquent pas de charme. Oh, dites de Gemütlicht Kate, tout au plus. Seriez-vous petite fleur bleue? À certaines heures, madame, lorsque, comme aujourd'hui, le soir descend si tiède. Heureuse nature. Oui, heureuse nature, dit le prince. Savez-vous, cher ami, que vous êtes pour moi un remords vivant? Sans doute, n'est-ce pas nous qui vous avons entraîné dans cette terrible aventure? Si tout cela finit mal, ce qui est probable, ne serais-je pas responsable de votre mort? Le prince était devenu grave. Pierre Fonrami lui répondit sur le même ton. Monseigneur, n'ayez nul remords. Du jour où je me suis consacré aux expéditions lointaines, j'ai pensé, comme il est assez naturel, que j'allais volontairement au-devant de périls inconnus et que, très normalement, une mort peut-être atroce m'était réservée. J'ai donc fait le sacrifice de ma vie. J'ajoute que dans ces expéditions, je n'ai recherché nul avantage personnel. Honneur ou célébrité sont choses que je dédaigne. Si j'ai rêvé de réussir une entreprise difficile, c'est seulement pour la gloire de ma patrie et la cause de la science. Vous m'avez fourni une occasion dont je vous remercie puisque, grâce à vous, la France est, dans une aventure extraordinaire, associée à l'Italie. Si nous mourons, j'aurai sacrifié ma vie à un but noble et élevé. Je ne demandais pas autre chose. Vous m'ôtez un grand poids, mais ne pensez-vous pas qu'inquiet de votre disparition, le gouvernement français... Je suis un trop mince personnage pour que mon gouvernement s'émeuve de ma disparition. Il se peut que mes amis s'en inquiètent, que les sociétés savantes dont je fais partie fassent un effort pour avoir de mes nouvelles. On enverra certainement des instructions aux agents français, aux Indes et en Perse. Mais que peuvent-ils faire? Pour vous, monseigneur, c'est autre chose. À cette heure, on s'est ému à Rome, comme à Yerta. Oh, je ne doute pas que le gouvernement royal ne soit surpris de cette absence de nouvelles. Mais je vous retourne ce que vous venez de dire. L'Italie, elle aussi, donnera des instructions à ses agents. On supposera que la rondine s'est mise en perdition. On fera des recherches qui n'aboutiront pas, après quoi on prononcera solennellement notre oraison funèbre et tout en restera là. Et cependant, je voudrais bien sortir de cette trappe. Que de projets encore à réaliser. L'imagination est une folle, mais par moments une belle souveraine. Ah, les beaux rêves ! Obtenir de votre gouvernement et du mien un vaste territoire sur les confins de la Tunisie et de la Tripolitaine. Reprendre les vieux projets de mer intérieure. Conduire par une saignée la Méditerranée dans ces vastes espaces désertiques qui sont situés au-dessous de son niveau. Modifier les conditions climatériques du pays, puis appliquer en grand les méthodes de Yerta et faire surgir dans ces régions maudites des oasis enchanteresses qui accueilleraient et nourriraient des colons venus de France et d'Italie, sortis de ce peuple latin qui mériterait bien qu'on songeât à lui donner sa part de bonheur. Oui, longuement, j'ai médité tout cela, et l'inaction dans laquelle nous vivons me dévore, car enfin, voilà que j'ai franchi le cap de la soixantaine. À mon âge, on n'a plus le temps de s'attarder en rêverie. Sortir d'ici, voyez-vous, et par n'importe quel moyen. Oui, interrompit la princesse, parfois en rêve, je vois cette terre promise, une Yerta agrandie, jeune Salente, ou nouvelle Arcadie. Vous souriez, Fonrami, et sans doute vous dites-vous que tout cela se construit en utopie. Non, madame, je ne souris pas. J'ai visité Yerta, et ce serait assez pour mettre en déroute mon scepticisme s'il eût jamais existé. J'admire comme il convient une existence royale consacrée aux fins nobles de l'humanité. Aussi, le jour où nous aurons faussé compagnie aux Achéléens, demanderai-je à participer à vos travaux, si toutefois ma collaboration peut être de quelque utilité. Certes, croyez bien que vous n'êtes absent d'aucun de nos projets d'avenir. À une œuvre comme la nôtre, il faut une collaboration française. Vous verrez ce que nous ferons avec l'aide de ce magicien qu'est le docteur. Je vous prédis une vie de délices dans notre colonie. J'y aurai, de prime abord, un premier bonheur, madame, qui sera d'être un de vos sujets. » Le docteur, qui était debout, devant une des larges fenêtres, poussa une exclamation. Tous se levèrent. À l'horizon, une teinte rougeâtre nuançait le ciel et flamboyait dans les hauts nuages. « Le cratère du volcan s'est ouvert, et ceci annonce une éruption !» s'écria le duc de Palerme. « Mais on ne voit plus rien !» fit la princesse. « Oh, c'est une première poussée, voilà tout. Maintenant l'éruption est inévitable. C'est complet. Savez-vous que la vallée peut être envahie par les laves ? Une scène échilienne ou wagnérienne, à votre choix. » « Oui, monseigneur, répliqua Fonrami, mais avec cette différence que Loge est un dieu courtois. Il entoure à distance respectueuse la belle déesse sans la transformer en rôti, au lieu que notre situation est moins réjouissante. » « Prions Dieu, interrompit la princesse, lui seul peut nous tirer de là. » Le volcan se réveille de son assoupissement. De sourdes rumeurs agitent les flancs de la montagne. Certaines nuits, la terre tremble et la falaise aux murailles titaniques semble s'écrouler. Cependant, des vapeurs surgissent du cratère et s'élèvent droit dans le ciel, comme une colonne corinthienne dont un large parasol noir forme le chapiteau. Le duc de Palerme cause de ces choses avec Ferrato et Fonrami. Lorsque la tension dépasse le poids de la lave augmentée de la pression atmosphérique, le volcan est décapité. Son sommet est lancé dans les airs avec les laves qui s'y trouvent, et aussi avec les blocs de pierre, les cendres et les gaz. Or ces gaz, des acides chlorhydriques, sulfureux, carboniques et sulfhydriques, sont toxiques. Le prince insiste. En somme, il peut leur arriver ce qui s'est produit à la Martinique, au Krakatoa, à Herculanum et à Pompéi. Le Vésuve, lui aussi, paraissait éteint. Des parties de plaisir étaient organisées dans son cratère embelli d'une fraîche végétation. C'était un lieu habituel de rendez-vous champêtre. Les légions de Spartacus y avaient campé. On avait oublié les éruptions. Le souvenir s'en perdait dans la nuit préhistorique. Mais voilà qu'en l'an 79, ces deux villes furent englouties sous une lourde pluie de cendres et de lave, éruption tragique dont, vous le savez aussi bien que moi, le neveu de Pline nous a raconté la dramatique histoire en souvenir de son oncle, qui avait trouvé la mort par excès de curiosité scientifique. Et notre mort à nous, qui la racontera ? Oh, nous n'en sommes pas encore là. Est-ce bien sûr ? Les colons qui habitent la partie de la vallée voisine du volcan s'enfuient à la hâte et refluent vers la cité, poussant devant eux leurs bestiaux, tirant des chariots qui grincent et où leurs petits-enfants sont juchés parmi de maigres hardes. Le lamentable cortège presse le pas. Il franchit les portes des faubourgs et jette l'épouvante dans la ville. D'autres, au lieu de gagner la cité, se réfugient au plus profond des bois, là où d'innombrables groupes d'arbres étendent à 150 pieds dans les airs leurs parasols. Sous cette tente de verdure, sous les inextricables bifurcations des branches puissantes et nerveuses, les rustiques campent. Ils se sentent plus près de leur dieu tutélaire. Car, en ces jours tristes et la première émotion passée, chacun naturellement porte ses regards vers les divinités qui sont à sa portée immédiate. Les colons ont couronné de roses et de narcisses les satyres au front cornu. D'autres ont arrosé d'huile les souches vénérables. Les esclaves ont déterré les dieux de pierre cachés à l'ordinaire sous une couche de fumier. Le Sénat a délibéré. Ici, la surprise est moins grande. Dans ce milieu de vieilles traditions, le réveil du volcan ne cause pas une émotion unanime. Cependant, quelle que soit la valeur des hommes qui siègent dans cette assemblée auguste, réunis encore, et par le seul effet de la barbarie parlementaire, ils se trouvent peu capables de raisonner et d'approfondir une question. Tout comme les rustiques, que le volcan menace directement, les graves sénateurs se tournent vers l'Olympe. Bref, la situation est grave. Manifestement, le courroux des dieux s'appesantit sur la cité et, pour obtenir quelque adoucissement de la colère divine, la ville entière participe à des cérémonies religieuses. Ferrato et Fonrami sont allés discrètement suivre les fêtes. Ils ont vu pratiquer le taureau-bol. Fonrami rapporte quelques renseignements. On a creusé une fosse. Le hiérophante y est descendu, vêtu de blanc, portant en tête une couronne d'or. Singulier lieu pour un couronnement. Une fosse, fait la princesse en souriant. Mais pardon, vous disiez ? Sur la fosse, on a rabattu des madriers. Puis on a amené un taureau blanc, on l'a égorgé. À travers les madriers mal joints, le sang a inondé le hiérophante. « Quelle horreur !» fait la princesse. Et lorsque ce hiérophante est sorti de la fosse, dans l'état que vous devinez, il était, paraît-il, purifié et sanctifié par le sacrifice. C'est décidément une chose fort poétique, le paganisme. Si nous sortons de notre fosse, j'écrirai un livre là-dessus. On entend de sourds grondements et comme des bouillonnements lointains. La nuit venue, les montagnes s'éclairent au feu de l'éruption. La vallée s'illumine d'une réverbération intense. Et les sacrifices continuent. Des champs de carnage souillent maintenant les lueurs des crépuscules. Moissons de roses rouges, de roses du midi, écrasées sous les cothurnes des sacrificateurs. Et des prêtres en robe blanche font des gestes de mort. Dans cette atmosphère chaude et empestée, ils glissent parfois dans le sang et titubent comme s'ils étaient ivres. La foule s'étourdit de mouvements, elle s'enivre de bruit. Le son strident des flûtes, les appels des trompettes sacrées, le roulement des tambours font perdre à chacun le sentiment de son existence propre. Le volcan fume toujours. Dans la nuit qui suit, il s'anime. Au matin, un cratère s'ouvre brusquement et lance une colonne épaisse de fumée. Cette première explosion est accompagnée d'une pluie de cendres qui couvre le nord de la vallée. Le lendemain, le volcan se calme, mais des crevasses s'ouvrent sur son versant sud et une forte odeur de soufre se répand. Pendant la nuit, de nombreuses détonations se font entendre, accompagnées, constate le docteur Lorici, d'un dégagement intense d'électricité. Sur le matin, le cratère vomit des flammes. Dans l'après-midi, l'éruption se calme. Le docteur étudie soigneusement le phénomène. Il est très surexcité. Sa nervosité est grande. Le duc de Palerme et Fonrami, plus calmes, examinent divers moyens de salut qu'ils abandonnent l'un après l'autre. Cependant, le volcan fait trêve et les voyageurs, profitant de la stupeur profonde dans laquelle la population est plongée, peuvent se rendre discrètement à l'endroit où ils ont atterri. Il est couvert par les débris de la rondine. En cherchant bien, on découvre des ballots de vêtements, des vivres, un certain nombre de lampes électriques avec des piles et des accumulateurs en assez bon état. Deux haches, trois couteaux, des paquets de cigarettes, enfin. Et ils fument avec délice. Comme ils vont partir, Ferrato avise trois grenades chargées et intactes. Sur l'avis de Fonrami, on les emporte. La population qui vit sous la menace d'une catastrophe, dont elle comprend la gravité, est maintenant surexcitée à nouveau contre les étrangers. Des murmures hostiles s'élèvent. Il y a des énergumènes qui les accusent de maléfices, de magie, de ne pas sacrifier aux dieux. Luigi Ferrato groupe ses matelots, les armes de bâtons pointus aiguisées au feu. Ils sont bien décidés à se défendre. On ne les abattra pas comme des chiens enragés. Ils ne peuvent plus compter sur la protection du Sénat. Ce ne sont plus les seuls colons qui habitaient dans le voisinage du volcan qui accourent de toutes parts. La population de la vallée entière les imite. Elle vient se réfugier dans le voisinage des hôtels consacrés aux dieux de la patrie. Les suppliants emplissent les temples. Cette foule affamée demande des vivres. Elle s'irrite contre les magistrats qui distribuent les secours avec une lenteur tout administrative. Autour des répartiteurs de blé, dans la rue aux Herbes, il se produit une véritable émeute. Sur les degrés du temple d'Hercule, un énergumène harangue la foule et la pousse à assaillir les demeures des riches. La grande armée du Sénat, reçue à coups de pierre, ne parvient qu'à grand-peine à disperser le rassemblement. À d'autres heures, la foule se rue vers les plaisirs. Puis une torpeur, une prostration, s'empare de tout ce peuple. Résigné et morne, il attend son sort. Ce jour-là, le volcan est plus paisible, les grondements se sont apaisés. Seul un gros panache de fumée noire subsiste encore et s'élève en couronne. Pierre Fonrami est appelé chez leur hôte commun. Le vieillard a discerné qu'il aimait Archéia. Il lui parle avec simplicité. « Les temps prédits sont arrivés. Mon peuple est destiné à périr. Des présages qui ne trompent point me l'ont annoncé. En vain, nous offrons aux immortels, d'un cœur pur et d'une âme soumise, l'encens dans les coupes d'or. La cité va s'abîmer et s'anéantir sous un feu de gloire, comme il arriva jadis à la noble Herculanum et à la riche Pompéi. Et c'est bien ainsi. Mais Arcaïa, elle, ne doit pas mourir. Emmène-la donc sur la vaste terre. Elle sera ton épouse paisible et soumise. » Et comme Fonrami fait un geste de découragement, « Il existe un moyen de sortir de mon pays. Voici des siècles, le vénérable Averus, mon aïeul, résolut de creuser dans le granit une galerie menant au sommet de la falaise. Le Sénat approuva ses desseins. Il établit des plans, construisit des machines hydrauliques et, à la tête de ses esclaves, commença ses travaux. Le peuple, tenu soigneusement éloigné des chantiers, ignora toujours à quelle sorte de besogne on s'y livrait. La tâche fut rude. Le génie et la patience de mon grand ancêtre vainquirent tous les obstacles. Une longue galerie fut creusée qui, par une pente praticable, vient affleurer le sol. Elle a 20 000 pas de longueur. En la suivant, des détachements de guerriers choisis purent aller, à plusieurs reprises, piller les riches contrées du sud. Pour être sûr de la discrétion de ces hommes, le Sénat eut soin, au retour de chaque expédition, de les faire emprisonner. Mais un jour, sous quelle influence, je l'ignore, peut-être par un avis secret des dieux, le Sénat résolut d'interrompre à jamais ses expéditions. L'entrée de la falaise fut fermée et peu à peu, le temps aidant, chacun perdit le souvenir de cette galerie. Cependant, une famille, la mienne, était dépositaire de ce secret. Je vais en user aujourd'hui pour vous offrir une chance de salut, à vous, ô étrangers, que nos dieux, à ce qu'il semble, n'ont pas désigné pour l'ultime sacrifice. » Ces déclarations émurent Pierre Fonrami. Dans sa poitrine, son cœur bondissait de joie. Toutefois, il crut prudent de se composer un visage impassible, et c'est avec une tranquillité apparente, avec un détachement simulé de toutes choses, qu'il suivit le vieillard vers la mystérieuse galerie. Des haies, des halliers, un fouillis de ronces, où l'on s'ouvre difficilement un passage. Entre deux blocs, une porte d'airain, aux gros clous de cuivre. Le vieillard appuie sur un de ces clous. La lourde porte tourne lentement sur ses gonds, démasquant une galerie voûtée, béante et sombre. C'est là. Jusqu'à la fin du jour, lentement, prudemment, discrètement, les voyageurs étudient le passage et le docteur prépare les lampes électriques provenant de la rondine. Par petits voyages, profitant de la brume légère qui se lève, le duc de Palerme, Ferrato et les matelots transportent dans la galerie les quelques ballots de vivres qu'ils ont pu constituer, des couvertures, des vêtements et enfin deux tentes, l'une grande, l'autre toute petite, épaisse et solidement doublée, que Ferrato à tout hasard avait fait préparer par ses hommes pendant leurs heures de loisir. Arcaïa, aussi froide, aussi insensible qu'une statue antique et belle comme elle, se prépare à suivre ses nouveaux amis. C'est pour demain. La nuit est épouvantable. Le volcan s'est brusquement réveillé et son fracas emplit la vallée d'échos qui roule sourdement. Le vent refoule les vapeurs vers le nord. Il les plaque contre la falaise. Elles montent vers le ciel en obscurcissant les étoiles. La lave coule en abondance. Toute la nuit, dans les temples, on prie parmi les chants et les danses sacrées. Tandis qu'abîmée dans une douleur muette, Arcaïa reçoit les adieux de son père et ses derniers ordres vénérés. Le lendemain, les choses se compliquent. La plèbe cerne le palais qui sert de résidence aux voyageurs. Une foule hostile hurle et trépigne. On veut obliger les étrangers à sacrifier aux dieux, et sans doute les massacrera-t-on ensuite. La multitude exige qu'un d'entre eux suive immédiatement les soldats qui le mèneront devant le préteur. Le prince s'indigne et prépare la défense. Fonrami, qui est resté seul à méditer dans une pièce à côté, revient et se propose pour suivre les soldats. Ses compagnons déclarent qu'ils ne le laisseront pas partir. Mais lui, « Monseigneur, notre défense sera vite réduite à l'impuissance. Laissez-moi partir avec le centurion. Cette foule, bête comme toutes les foules, ne manquera pas de me suivre. Vous aurez ainsi un moment de répit et vous pourrez fuir en emmenant Arcaïa jusqu'à l'entrée de la galerie qui est à peine à 1500 pas d'ici. Si ces imbéciles, restés à bâiller aux corneilles autour du palais, veulent vous arrêter, les marins vous ouvriront un passage de vive force. Non, nous ne pouvons accepter ce sacrifice. Écoutez-moi jusqu'au bout, monseigneur. Nous avons cette chance de salut et pas d'autre. Donc fuyez jusqu'à l'entrée de la galerie et là attendez-moi, car j'ai un moyen d'échapper à ces sinistres brutes. Certes, il peut échouer, mais en ce cas, il vaut mieux qu'un seul d'entre nous périsse et que les autres soient sauvés. D'ailleurs, ici, vous avez bien voulu me reconnaître comme chef d'expédition. En conséquence, à cette heure, ce n'est pas une prière que je vous adresse, mais presque un ordre que je vous donne. Fonrami va à la princesse. J'espère revoir votre Altesse royale dans quelques instants. Il peut aussi en être autrement. Permettez-moi donc, madame, de vous remercier de votre indulgente bonté et de vous confier Arkeia. Il baise la main de la princesse, puis, allumant une cigarette, vient se placer au milieu des soldats qui l'entraînent. La foule suit le cortège en criant. C'est ainsi qu'au jour de jadis, un chevalier partant pour la croisade, et dont quelques belles dames lointaines et très étrangères pouvaient croire que sa pensée le fortifiait, piquait des deux en songeant aux beaux regards émus sous lesquels il conterait un jour les prodiges merveilleux de ses aventures. Alors, tous se groupent, dans la cour, autour du prince. D'un élan rapide, Arkeia vient à eux, après avoir salué son père. Mais plusieurs esclaves germains se précipitent soudain sur le groupe, la massue levée. Les matelots les repoussent. Sous les coups des Italiens, les germains reculent et se dispersent. Les voyageurs, à toutes jambes, gagnent l'entrée de la galerie. Le prince fait jouer le clou, la porte s'ouvre, le docteur met en activité ses lampes électriques, ils n'auront plus qu'à refermer la porte pour être en complète sûreté. Personne ne les a suivis, parce qu'on ignore la galerie. Cependant, avec angoisse, ils attendent leur ami, lorsque soudain de grandes clameurs s'élèvent dans la direction du temple. Fonrami a suivi docilement les soldats, et, dans son latin le plus élégant, il explique au vieux centurion qu'il a été envoyé dans la vallée par les puissances infernales. Cependant, ils avancent toujours. Armés de bâtons, des gens de mauvaise mine suivent l'escorte. On approche du forum. Étendards déployés, des collèges d'artisans s'y rendent en beuglant des hymnes. Des victimaires traînent avec des cordes vaches et béliers. Mal combattus par les parfums qui brûlent devant les niches des divinités tutélaires, une âpre et forte odeur de chair et de sang alourdit l'air qu'elle empeste. Les magistrats sont en séance dans la basilique judiciaire. Le préfet Rufus, nouvellement désigné, préside. Il y a là les prêtres des déesses, tous les magiciens et les augures de la cité. Pierre Fonrami contemple, sur les gradins de l'hémicycle, le bas-peuple qui s'agite, l'insulte et le menace. Les bras croisés, un sourire ironique aux lèvres, il dédaigne de répondre aux clameurs de cette tourbe. Il abaisse un regard calme sur ses patriciens, chez qui il soupait hier encore. Par moments, il voit un noble visage perdu dans la foule se détourner et, imperceptiblement, il hausse les épaules. Le volcan rugit, tel un monstre. Semblable au Léviathan des jours apocalyptiques, il lance des hautes colonnes de fumée, vomit des torrents de flammes. Le cirque qui l'entoure semble être en feu. D'immenses éclats emplissent les montagnes de déflagrations éblouissantes. Une réverbération intense joue sur les glaciers élevés. Le débat est bref, un court interrogatoire, et Pierre Fonrami déclare, d'une voix nette, qu'envoyé par les divinités infernales pour châtier ce peuple, il leur dévoue les magiciens et le sénat qu'un feu ardent va dévorer. Reculant d'un pas, il plonge sa main dans un bissac qu'il porte sous sa veste. Il en sort une grenade, l'arme, et d'un bras vigoureux la lance sur les prêtres. Avec un bruit terrible, la grenade explose. Le grand prêtre tombe, le ventre ouvert. Les officiants qui l'entourent s'enfuient en gémissant. Une autre grenade éclate au milieu du sénat. La troisième, parmi les soldats. Il y a des tués et des blessés. Alors c'est une panique. Une déroute sans nom. Tout le monde crie et recule. Profitant du tumulte, Fonrami franchit une légère balustrade et s'enfuit, d'un élan rapide, dans la direction de la galerie. Quelques instants après, défaillant d'émotion, il tombe dans les bras de ses amis. Luigi Ferrato referme précipitamment la grande porte de bronze. Mais elle a à peine commencé à tourner sur ses gonds qu'une grande secousse ébranle le sol. Un gémissement funèbre sort des gouffres du volcan, puis une clameur féroce. Un hurlement de la nature se fait entendre. Un gigantesque éclair sillonne et embrase le ciel. Une trombe de flammes et de gaz asphyxiants s'abat sur toute l'étendue de la vallée qui disparaît submergée, ensevelie par ce cataclysme sans nom. Et la haute porte se referme sur cette vision d'horreur. Le Ritchie a mis en activité les lampes électriques. De longs jets de lumière bleuâtre viennent se briser sur les mille facettes du granit taillé. On remonte la galerie. Fonrami marche auprès d'Arkeïa et la soutient. La jeune fille a perdu sa belle impassibilité. Elle est fiévreuse. Ses larmes coulent. À l'estime, et d'après notre allure, nous en avons pour 5 bonnes heures, dit Luigi Ferrato. « Marchons rapidement, répond le prince. Il me tarde de sortir de cet enfer. » Cependant, tandis qu'en se hâtant, il remonte la galerie, le bruit des explosions l'emplit d'étranges sonorités. Par moments, on dirait que le granit vibre. Il se fait un tumulte effrayant. À cette heure, la vallée est détruite et n'est plus qu'un monde mort. À la lueur des lampes, la galerie apparaît parfaitement construite, taillée à vif dans le roc, par endroits maçonnés. De distance en distance, dans des niches creusées à même les parois, les lampes de terre cuite qui éclairaient les travailleurs. Et les voyageurs évoquent par la pensée ces troupeaux d'esclaves travaillant sous le bâton, machines humaines accomplissant inconsciemment une œuvre qu'elles ne comprenaient pas. Ils montent toujours. La pente devient plus raide. Tantôt la galerie tourne, tantôt elle se développe en ligne droite. Comme la galerie revient sur elle-même et tourne pour la 4e fois en forme de colimaçon, elle se termine sur une porte de bronze ornée de cuivre. Elle s'ouvre par un mécanisme identique à celui qui commande l'entrée donnant sur la vallée. Il débouche au grand jour. Un froid vif les saisit. Haut dans l'azur, le soleil, lui, il salue la lumière. Chapitre 12. Autour d'eux, un long plateau couvert de jeune neige. En face, une énorme chaîne de montagnes, semblable à une muraille, à pic et crénelée de sommets neigeux. En arrière, le rougeoiement d'un incendie. Jusqu'à cette distance, le cataclysme tonne encore. On entend les détonations du volcan. On fait halte, on tient conseil, ils ont des vêtements, des vivres. Aucun instrument, sauf une boussole qui est la propriété de Ferrato. Une carte à grands points du Tibet que Fonrami a dans son portefeuille. Il la déploie. Après avoir rapidement délibéré, on décide de prendre la route vers le sud pour se rapprocher des basses vallées. On divise les charges. Les matelots les assujettissent sur leurs épaules. Le sol du plateau, qu'on croyait plat, est en réalité barré de monticules et de collines, coupé de ruisseaux, généralement sans eau, crevassé d'une multitude de dépressions où se cachent autant de petites mares alimentées par un grand lac, d'un bleu ardent, infiniment tranquille. La terre est gercée par la gelée, sa couleur, d'un rouge-brun, est rompue de larges plaques neigeuses. Parfois, au milieu des champs de neige, on aperçoit une petite tache jaunâtre d'herbe rude et courte, et là-bas, dominant tout, les énormes montagnes de neige, aux formes somptueuses et hostiles, accablent le paysage sous le poids de leur dédaigneuse solennité. À la nuit, on s'arrête pour camper. On dresse les tentes, la plus petite est pour les femmes. Le froid est extrêmement vif, mais les matelots, actifs et ingénieux, parviennent à couper de l'herbe. Ils découvrent dans les fentes des rochers de maigres arbustes, et bientôt, au milieu du campement, un feu monte et pétille. Comme ils ont pu emporter quelques ustensiles, ils font du thé qui, bouillant, arrose la viande sèche. Ce léger repas terminé, tout le monde se blottit dans les tentes et s'endort d'un lourd sommeil. Cependant, le duc de Palerme, Ferrato et Fonrami ne dorment pas. Ils parviennent à situer leur position avec une approximation suffisante. Ils sont sensiblement au nord du col du Treil de Rhin, c'est-à-dire que, s'ils prennent leur route vers Sikkim, il n'y a pas autre chose à faire, c'est une marche à vol d'oiseau de 600 kilomètres. Donc, une quasi-certitude de mourir de faim et de froid s'ils ne sont pas secourus, car, chose grave, ils n'ont pas de fusil pour chasser. Mais à quoi bon continuer à discuter? Ils se couchent et s'endorment. Le lendemain, la route est reprise. Ils traversent une série de collines escarpées et de vallées étroites. Le sol y est creusé de trous pleins de neige, et bossué d'autant de protubérances sur lesquelles se dressent des herbes raides et dures, comme des piquets. Voilà un pâturage tibétain, fait Fonrami. Ils vont ainsi pendant 5 jours, par courtes étapes, car ils ne sont pas habitués à la marche, et la haute altitude où ils se trouvent les essouffle terriblement. Puis on suit les rives d'un lac, rives montueuses et glacées, hantées de lièvres et de perdrix. Ce sont les premiers êtres vivants qu'ils rencontrent. Les jours suivants, après avoir traversé un plateau très encaissé, ils s'acheminent vers une chaîne de montagnes qui barre le plateau. La pente du terrain est très accentuée. Heureusement, il fait beau et le vent ne souffle pas. Ils passent de col entre deux hauts glaciers, mais quelques heures après, le ciel se noircit. En plein jour, une véritable nuit déploie ses voiles. De violentes rafales de pluie se succèdent sans interruption. Il faut camper. Dans ces circonstances, Pierre Fonrami, grâce à son merveilleux instinct d'explorateur, est parvenu à trouver sa route avec une surprenante habileté. Choisissant sans hésiter des sentiers presque invisibles, découvrant les passes franchissables et tenant une direction constante, presque sans aucun relèvement. Tous sont extrêmement fatigués. Arkeia et la femme de chambre de la princesse n'en peuvent plus. La duchesse de Palerme, bien qu'épuisée, se raidit et se compose un visage serein. C'est elle qui relève les courages. Il est bien évident que, si un secours quelconque n'arrive pas aux voyageurs, ils ne pourront aller longtemps. La princesse insiste pour que la marche soit reprise sans interruption. Au début de l'étape du lendemain, Fonrami fait une découverte inattendue et précieuse. Il ramasse un chiffon, un bout de corde et une cheville de bois. Il déclare que cette cheville provient d'une selle mongole et, qu'à n'en pas douter, une caravane a passé par là il y a peu de jours. La marche continue. Encore un lac, assez peu profond, un lac salé. Aucun oiseau sur ses rives, aucun arbuste, aucune herbe. Sur les berges, jusqu'au point le plus éloigné qu'atteigne le ressac, la stérilité est absolue. C'est une véritable mer morte. Maintenant, un grand soleil éblouissant donne, malgré le froid sec, une très vive impression d'été, un grand calme religieux. L'air raréfié des hautes altitudes prête au paysage des tonalités d'une légèreté et d'une délicatesse merveilleuses. Le jour suivant, longue et pénible étape sur de hautes terres planes, ayant l'aspect d'une steppe. De gros nuages coulent, noirs, à travers le ciel, et de temps à autre, il neige. Une neige fine et impalpable, qui recouvre tout d'un blanc tapis velouté. Peut-être permettra-t-elle de retrouver plus aisément les traces de la caravane. Il marche toujours. Les trois femmes, en tête, règlent l'allure. À ses pieds, Fonrami avise soudain une violette, cachée frileusement entre deux pierres. Se baissant, il cueille cette fleur paradoxale, épanouie à des altitudes où nul autre représentant de règne végétal ne saurait vivre, et l'offre à la duchesse de Palerme, qui, silencieusement, la pique à son corsage. Plus de neige, un terrain doucement ondulé et un sol sec. On franchit une nouvelle crête. Vers le sud, un immense horizon de plateau. Du côté nord, le coup d'œil est complètement différent. C'est le plus fantastique hérissement de crêtes et de pics qu'on puisse imaginer. Le paysage est enveloppé de tonalités ardentes. Tout ce décor romantique se profile en vigueur sur un ciel d'un bleu profond, d'un bleu qui tire sur le noir. Les vivres s'épuisent. Enfin, des êtres humains. Dans une vallée, on se trouve nez à nez avec la caravane. Fonrami reconnaît qu'elle est composée de marchands de thé. Le coup d'œil est pittoresque. Le convoi avance dans un ordre quasi militaire, divisé en escouades de 30 à 40 yaks, surveillés chacun par plusieurs hommes. Les caravaniers vont à pied, ceux qui possèdent des fusils les portent sur l'épaule. Quoique les charges paraissent légères, la caravane avance lentement. Ces hommes sont vêtus de noir. Fonrami avance et essaie de se faire comprendre avec le peu de Tibétains qu'il possède. Il n'y parvient pas, mais un des caravaniers interpelle les voyageurs en mauvais anglais et la conversation continue dans cette langue. Ces marchands connaissent parfaitement l'usage et la valeur des chèques, et comme le duc de Palerme offre de payer largement s'ils le conduisent au Sekkim où ils vont eux-mêmes, ils acceptent. Les étapes qui suivent deviennent relativement faciles, puisque les voyageurs peuvent user des yaks. C'est ainsi qu'en peu de jours, ils arrivent dans un village composé d'une 60aine de maisons où ils peuvent prendre quelques repos. On repart et plus on descend, plus la route devient aisée. Les voyageurs sentent leurs forces revenir. Archéia elle-même, fleur dernière d'une société disparue et d'une civilisation abolie, sent circuler son sang plus vivement dans les veines. Avec enthousiasme, elle se donne aux joies et aux plaisirs de la vie. Le soir, quand le soleil descend peu à peu dans le ciel, les cimes de neige prises de biais se couvrent de marbrures rouges et dorées. Les ombres qui s'allongent d'une montagne à l'autre sur les glaciers sont plus bleues que le ciel au zénith. Les fonds de vallée sont lamés de tons verts très doux, qui chatoient comme une étoffe ancienne, et les rochers qui percent la neige de place en place deviennent d'un brun violet qui accuse leur relief. À cette heure divine, Pierre Fonrami aimait à se rapprocher de la jeune fille. Parfois, c'était aux heures du matin qu'il la voyait. Ces pics ruisselants de glace, cet immense plateau morne et silencieux, rendaient plus merveilleuse et plus inattendue cette fête de l'amour dans la lumière. C'était comme un lever de soleil sur la jeunesse du monde, à l'heure où, dans le triomphe de la clarté du jour, la terre montait d'un seul élan du chaos anarchique vers l'ordre et la beauté. Depuis que le salut était certain, les conversations devenaient plus nettes. Le Ricci, persuadé que l'accident de la rondine était dû à une fausse manœuvre de l'ingénieur demeuré à Yerta, bouleversait dans sa pensée son installation électrique. Soir et matin, il ruminait des formules et traçait des signes cabalistiques sur le sol. Les projets d'avenir se précisaient. La duchesse de Palerme parlait de retourner passer quelques semaines dans son vieux palais de Sicile, et, s'adressant à Fonrami, « Viendrez-vous me voir à Palerme ?»« Si votre Altesse le permet. Je le désire. Vous verrez mes collections, des Filippo Lippi comme il n'y en a pas à Florence, et un Cosimo Rosselli si miraculeux qu'à le regarder, on se sent soulevé de terre. À vous, qui êtes adorateurs de notre école vénitienne, je promets des Tiepolo qui mettent dans l'âme plus de joie fiévreuse qu'elle n'en peut contenir. Il faudra initier Archéia à la peinture, car leurs fresques, à la musique aussi. Savez-vous ce que vous devriez faire ? Me la confier pendant quelques mois. D'abord, il la faut instruire dans les vérités chrétiennes, puis l'accoutumer, ce me semble, au mystère de la vie moderne. Pierre Fonrami se déclara confus de tant de bonté. En réalité, n'ayant dans le moment aucune opinion, il ne demandait qu'à se laisser mener par les événements. Dans cette heureuse disposition d'esprit, la proposition de la princesse lui plut. Archéia s'abandonnerait, tout comme lui, à ses deux belles mains royales, et la destinée ferait tourner ses fuseaux. Sans grande difficulté, et même sans incident notable, ils parvinrent jusqu'au Sikkim, et de là jusqu'à Bombay. Le voyage devenait une simple affaire de temps parmi les paysages somptueux de l'Inde. Il fut peu fertile en épisodes dignes d'être rapportés. Ce fut, entre les voyageurs, le règne des longs silences. C'est à peine si d'aventure, à l'oreille de la jeune fille, Pierre Fonrami murmura parfois, telle une caresse amoureuse, l'adorable vers qui fit battre le cœur de Lydie. Nec te cum possum vivere sine te. Chapitre 13. Ils retrouvèrent la vie mondaine dans un palace de Bombay, somptueux, vide et morne, à souhait. Après de telles aventures, c'était une façon assez médiocre de reprendre contact avec la civilisation. Mais la norme du XXe siècle n'en offre guère d'autre, et de cette banalité courante, tous les esprits doivent se contenter. Il avait été décidé que Pierre Fonrami partirait seul, promptement, pour la France, par un bateau anglais, tandis que le prince et les siens se reposeraient à Bombay, en attendant leur yacht. Cette séparation était assez anormale. Il était bon qu'Archéia vécût quelque temps à Yerta et en Sicile, dans la société de la duchesse de Palerme, et prit par elle, et grâce à elle, son premier contact avec cette barbarie qu'est notre civilisation. La jeune fille conservait son air de déesse. Il était sage qu'elle le perdît. Les déesses ne vivent plus sur cette terre, et si une d'entre elles venait à s'y égarer d'aventure, elle n'y recevrait pas un accueil propre à la satisfaire. Là-dessus, la princesse avait chapitré une fois de plus Fonrami. Elle lui fit entendre raison, d'autant plus facilement que depuis leur première conversation, son avis n'avait pas varié. Peut-être pouvait-on discerner un peu d'orgueil dans son cas. Mais si l'orgueil est véritablement un péché irrémissible, que de nobles et belles âmes n'entreront jamais en paradis. Tous, ils attendaient la séparation avec beaucoup de calme et sans la moindre angoisse. À leur insu, ils étaient joyeux, confiants, pleins d'enthousiasme, comme si, dans ce vaste monde, la vie ne devait plus leur réserver que du bonheur. Fin. Ici se termine l'étrange aventure de Pierre Fonrami, de Gaston Pastre.